Bonsoir à tous, bienvenue à l'émission Le Terminus sur les ondes de CISM. Je m'appelle Jean-François Lusignan et je serai en votre compagnie pour la prochaine heure. Et je vais quand même prendre le temps de me présenter et présenter l'émission Le Terminus, étant donné qu'on est dans une nouvelle case horaire. L'émission était pendant l'été dernier le jeudi à 19h. On est donc maintenant le vendredi, très content de cette nouvelle case horaire, tout de suite après le potluck. Et Le Terminus qui est dédié au rock indépendant, pour vous donner un petit aperçu, en anglais on dit indie rock, mais on va s'en tenir à la famille, la grande famille élargie du rock indépendant. Donc on va, à l'occasion, aller du côté du shoegaze, de la dream pop, et peut-être même un peu du côté du post-punk et même du punk aussi. Et je salue aussi au passage les Gratons. Bonsoir les Gratons qui étaient dans le Casera cet été actuel et qui sont quand même encore à CISM. Ils seront maintenant les dimanches soirs. Donc c'est un rendez-vous dimanche pour les Bonsoir les Gratons. On va du côté des chansons que vous allez entendre ce soir dans cette première émission de la saison d'automne. Un petit aperçu, vous allez entendre du Make Out Videotape, Holograms, Nitrosonic, Indoor Voices, The O'Wells et aussi du côté du classique de la semaine, ça sera Yola Tango. Et on va débuter avec Divine Fits qui en fait le projet d'un ancien Handsome Furs et Wolf Parade, M. Dan Buckner, et aussi du leader de Spoon, Britt Daniel. Et ça donne un résultat à mi-chemin entre les deux projets. Ils sont déjà venus au mois d'août à Montréal. Ils seront de retour, il semblerait, au début de l'année prochaine. Donc voici tout de suite Divine Fits, Flagging a Ride sur les ondes de CISM. I know you see me just like you. I know you see me just like you. I'm just trying to make my way. I got a feeling that you can relate. A lot of talk, but you shoot straight. Can't you see me waving like flagging a ride? des Hoof avec We Do Parties. Ça se retrouve sur leur dernier album Break Up Songs qui est sorti mardi dernier. Et Break Up Songs est en fait leur 12e album en carrière. Le groupe là, Dear Hoof, existe depuis 1994 et toujours avec la même chanteuse Satomi Matsuzaki. Et on va maintenant entendre le classique de la semaine. À chaque semaine, j'aurai pour vous un groupe, un vieux groupe, en tout cas une vieille chanson ou un vieil album qui risque de se trouver pas mal dans les années 80 ou années 90, parfois début années 2000. Cette semaine, ce sera du Yola Tengo, l'album I Can Hear the Heart Beating as One, qui est sorti en 97 et qui est de l'avis de plusieurs et de mon avis également un de leurs meilleurs albums de Yola Tengo. Et le groupe, le trio, en fait, existe depuis 84. Ils sont toujours actifs. En fait, ils vont sortir le 25 septembre un EP et un album complet va suivre, lui, au début de l'année prochaine. Et en fait, je lisais aujourd'hui que le EP va contenir des versions alternatives de certaines chansons qui, elles, vont se retrouver dans une version finale sur l'album qui, lui, va sortir au début de l'année prochaine, je te disais déjà. Donc, on va sûrement reparler à l'émission dans les prochaines semaines, prochains mois. Et en attendant, on va entendre tout de suite la chanson Sugar Cube de Yola Tengo sur les ondes de CSM à l'émission Le Terminus. Everything. Exercising with Demons de Makeout Videotape, qui est un projet parallèle du nouveau Montréalais Mac DeMarco. Et cette chanson-là se retrouve sur un album qui s'appelle Ying Yang, qui est sorti en 2010. Et Mac DeMarco devrait avoir plus de nouvelles de son côté, en fait, sur son projet qui fonctionne sous son propre nom. Il devrait sortir quelque chose vers le mois d'octobre si ça vous intéresse. Et juste avant, c'était le groupe de Victoriaville, Why Plus Me, et la chanson Jusqu'aux Lumières. On va maintenant entendre du Holograms, qui est une nouvelle recrue de l'étiquette Captured Tracks, qui compte déjà dans ses rangs des groupes super bons comme Dive, Wild Nothing, Widow Speak et Mac DeMarco, dont je viens juste de vous parler. Et Holograms, là, ils seront à la Casa del Popolo lundi prochain, le 10 septembre. Vraiment à ne pas manquer. On va tout de suite écouter le premier extrait de leur album homonyme qui est sorti au mois d'août, un extrait qui était sorti un peu plus tôt courant de l'été. Donc la chanson Monolith d'Holograms sur les ondes de CSM. Et ça démarre tranquillement. Mais ça va partir plus durement bientôt. gospel music and why I preach against it, and I believe with all of my heart that it is a contributing factor to our juvenile delinquency of today. Nitrosonic avec à l'envers du veston. Et c'était précédé de la 18e position du palmarès album de CISM. Cette semaine, c'est Remember. Remember quoi? Je ne me rappelle plus. Remember des Orwells. Et c'est donc en 18e position. C'était la chanson Malrats qui parle de jeunes hommes qui font des niaiseries dans un centre d'achat. Parce que des jeunes hommes, parce qu'ils ont environ 17-18 ans, les membres de Orwells. Et si vous voulez retrouver la liste des chansons que je jouais ce soir, ça se retrouve sur le cism893.ca. Vous allez également pouvoir télécharger en balado-diffusion l'émission de ce soir. On va poursuivre avec une autre chanson issue du palmarès. Cette fois-ci, c'est le palmarès chanson francophone. C'est Kepler, les plafonds hauts. Et je m'appelle Jean-François Lusignan. On est ensemble jusqu'à 22h, l'émission Le Terminus. I'm In the Springtime de Velociraptor, un groupe garage pop de Brisbane en Australie. Et ça se retrouve sur un premier EP qu'ils ont sorti l'année dernière de façon indépendante. Et je voyais tout à l'heure avant d'entrer en onde qu'ils sortent aujourd'hui même un premier album complet. Et bon, je vais l'écouter, puis on se reparle donc dans les prochaines semaines à l'émission Le Terminus. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, au début de l'été, j'avais eu en entrevue téléphonique le groupe Indoor Voices, qui en fait le projet du Torontois Jonathan Ralph. Et bien, il a lancé cette semaine deux nouvelles chansons qui lui précèdent un nouveau EP à paraître dans les prochaines semaines. Et une de ces deux chansons-là, So Smart, a quand même fait beaucoup réagir cette semaine sur les internets. Et franchement, on a très, très bonne dream pop. Très bien ficelé, si je peux dire. Alors, voici tout de suite sur les ondes de CISM Indoor Voices, So Smart. We'll be right back. Yeah. band de Brooklyn, Thieving Irons, avec la chanson So Long. Et ça se retrouve sur Behold This Dreamer, un album qui est sorti plus tôt cette année. Et c'était précédé du Husky avec la chanson Zombie. Reste à l'écoute hein, parce qu'après les publicités dans quelques minutes, ça sera une nouvelle émission sur les ondes de CSM, L'âme Hi-Fi avec Zika Mendes. Et ben, je vous invite aussi à consulter la programmation, la nouvelle programmation de CISM, toujours sur le CISM893.ca. On va se quitter ce soir avec un groupe que j'aime beaucoup, j'ai découvert cette année, il s'appelle Tamarine. Ils font une espèce de shoegaze, ils sont de Californie. Ils viennent justement nous visiter au mois de novembre. Et en attendant la sortie de leur deuxième album, on va entendre la chanson « Mild Confusion ». Je m'appelle Jean-François Lusignan, passez une très bonne fin de soirée. On se parle la semaine prochaine. Ciao! La chaleur de l'automne arrive à grands pas et le Tabasco Bar est l'endroit pour te réchauffer. Goûte à l'été 12 mois par année lors de nos populaires lundis Mojito Double. Viens découvrir les mardis Beautiful, où tu pourras boire un litre de Molson X ou ton drink préféré in das Boot. Les fans d'électro seront envoûtés par nos mercredis Magnifico, où le Pichette Boréal se marie avec la meilleure musique électronique de DJ Enzo Gary. Et tout nouveau au Tabasco Bar, les jeudis Beat the Clock. Non, non, pas casser la montre. Beat the clock. De minuit à 1h, show. De 11h à minuit, épicé. De 10h à 11h, Tabasco hot. Enfin, termine ta semaine avec la légendaire soirée des dames Fresh Fridays. Un cocktail frais de musique fruité toute la soirée. Le Tabasco Bar souhaite aux étudiants une très belle rentrée. De notre côté, on s'occupera de vos sorties. Information. TabascoBar.com Pour la deuxième fois en moins d'un an, Montréal reçoit Godier. Vendredi 21 septembre au Quai Jacques-Cartier, venez découvrir l'Australien qui fait un malheur en Amérique. Avec invités, Chairlift et Zamuto. Billets disponibles au evenco.ca. Godier, le 21 septembre au Quai Jacques-Cartier. Une présentation d'Evenco, Live Nation, Greenland et Pop Montréal. Le samedi 8 septembre, le pique-nique électronique se fait plaisir et vous fait danser sous les étoiles. En vedette sous le calvaire, on reçoit Forest en live, l'Italien Riva Star et nul autre que Sébastien Léger, qui a littéralement enflammé les foules lors de sa première visite au pique-nique l'été dernier. Billets en vente à la porte, seulement 20$, 18$ pour le détenteur d'une passe de saison. Pour tous les détails, visite lepique-nique-électronique.com et suis-nous sur les réseaux sociaux. Sont plutôt secs? Écoute les préliminettes. Le samedi, de 23h à minuit. Soyez de l'action dans la meilleure ambiance de football à Montréal avec les Carabins. Ce vendredi 7 septembre à 19h au Sepsum, match contre Concordia. Tailgate à partir de 16h. Tous les détails au carabinfootball.ca. Right. Vous écoutez CISM. Yeah, yeah. Bon, on aime ça. C'est là que ça se passe. Et voilà, confirmé. Et l'arbre est dans ses feuilles. Marie-Laure, Marie-Laure. C'est ça. Oupi, oupi, oupi, oupi, oupi. Ça, c'est sur des ondes de voyons donc. Ah oui, la radio... Qui s'inspire des dieux grecs, qui fait sourire beaucoup, beaucoup. Selon moi, la meilleure... CISM, la marge. Plein de bijoux là-dessus. Alors, ça va être du gros stock et de la programmation... indéniablement infaillible. Le show le plus monde en ville se poursuit. Alors monte le son, ça va être mental. Bonne écoute. Let's go. Evenco, BCI et Greenland présentent Nightwish. Le 19 septembre au Sepsum. Avec invité Kaamelott. Les billets sont disponibles sur les sites evenco.ca et ticketpro.ca. Ne manquez pas Nightwish le 19 septembre au Sepsum. Présenté par Evenco, BCI et Greenland. Vous écoutez CISM 89,3 FM.